séance du 10 décembre 2009, le débat international sur l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation par Benoît Labouze, sociologue, doctorant à l'école doctorale ABIES. Bon, on va commencer la séance avec un peu de retard, mais je remercie tous les participants pour leur déplacement qui n'était pas simple aujourd'hui. Alors, donc, l'Observatoire a cette année pris une orientation un petit peu différente. On a voulu privilégier donc une entrée par la question agricole pour réinterroger les relations rural-urbain et notamment à travers les nouveaux savoirs et les interactions que cette question agricole posait à la fois à l'urbain et au rural. Alors, la séance s'organise en général autour d'une intervention de 45 minutes avec une discussion, mais on a décidé de demander à chaque intervenant de répondre à quelques questions spécifiques en fin de séance ou en cours de séance, si vous le souhaitez, sur, à un moment donné, dans votre recherche, quelles sont les nouvelles questions de recherche qui apparaissent, que vous souhaiteriez développer, mais que vous n'avez pas encore, pour telle et telle raison, pu faire jusque-là, sur quel terrain, et quels sont les manques que ces nouvelles questions révèlent, et par quel biais vous estimez pouvoir éventuellement combler ces manques. Parce qu'on a dans l'idée de produire une publication enfin, autour de ces interventions, du cycle qui démarre. Et puis, donc, ce sont ces questions qui orienteront la teneur générale de la publication. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi, ça, on le voit assez nettement, dans le programme, une volonté de varier les échelles d'analyse. Donc la première séance, c'était Catherine, on avait une approche qui était plutôt micro et méso. Aujourd'hui, on est dans une dimension beaucoup plus macro, mais alors c'est un risque, mais un risque, à mon avis, qui sera sûrement, j'en doute pas, très bénéfique. Voilà. D'accord. Et puis vous présentez aussi votre trajet. Mm-hmm. Très bien. Je vous remercie, merci à tous d'être là. Je vais commencer simplement par vous dire que je ne suis pas sociologue. Je suis. Donc, merci de l'honneur qui m'est fait d'écrire sociologue dans la présentation, mais je ne suis pas sociologue. Je viens de finir une école d'ingénieur. J'ai choisi une spécialité en économie agricole. Et donc, j'ai fait ma formation en partie à l'ENESAD de Dijon. Et donc là, je commence actuellement une thèse au CIRED, donc qui est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, qui n'est pas la même chose que le CIRAD. C'est un laboratoire qui travaille principalement sur des questions d'économie de développement. Et il développe. Et donc dans ce laboratoire, il y a une majorité des chercheurs qui développent un modèle de simulation des différents secteurs d'activité industrielle. Et il y a une autre partie dans ce laboratoire qui s'appelle l'équipe RGTE, donc c'est recherche en gestion des territoires et de l'environnement. Donc dans cette équipe RGTE, mes deux maîtres de thèse travaillent là-bas, qui eux regardent plus les questions de gestion de l'environnement, justement. Donc j'ai décidé, moi, de faire une thèse sur le débat prospectif international sur l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, quelques mots d'introduction. Je pense que vous savez à peu près qu'il y a aujourd'hui 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim, que les projections de l'ONU concernant la population nous disent qu'il y aura à peu près 9,2 milliards d'humains en 2050. Quand on ajoute à ça les problèmes du changement climatique, de la pression sur les ressources naturelles, on a en droit de se demander quelles sont les options qui s'ouvrent à nous pour nourrir la planète dans les années à venir. Donc ma thèse, j'ai défini un sujet de thèse qui est tout à fait provisoire pour l'instant, qui s'appelle de manière un peu bancale, scénario agricole et options en matière d'environnement, comment fonctionne le débat prospectif international? Alors, il y a deux thèmes principaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est le débat prospectif international. Donc, je vais essayer, dans une première partie, de vous expliquer ce que c'est, comment l'équipe dans laquelle je suis, comment on définit ce débat prospectif. Et une autre partie qui sont les scénarios agricoles, dont je vous donnerai quelques exemples également. Ma thèse, donc je vous l'ai dit, je suis ingénieur plutôt spécialisé en questions d'économie agricole. Ma thèse s'inscrit plutôt dans le courant des sciences de gestion, mais je vais être également amené à utiliser des concepts de sociologie des sciences, d'économie probablement, et peut-être de sciences politiques. Donc voilà, je suis inscrit à l'école doctorale à Biès, qui veut dire agriculture, alimentation, biologie, environnement et santé. Alors, donc pour commencer, pour essayer de définir un peu le cadre d'analyse que j'utilise pour regarder ce qu'est un débat prospectif international, je vais faire un petit retour aux bases de la prospective. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Le but ici, c'est pas de vous faire un cours sur ou une présentation sur ce qu'est la prospective, comment on s'en sert, etc. Mais plutôt de vous expliquer comment l'équipe de recherche dans laquelle je suis conçoit cette discipline. Quand on envisage donc le but de la prospective, c'est d'essayer de réfléchir au futur. Et donc pour ça, on a deux visions pour les évolutions futures. Il y a tout d'abord des certitudes tout à fait subjectives, qui sont de deux sortes. Il y a des certitudes structurelles qui correspondent à l'ordre des choses. Par exemple, je sais que demain, il y aura ce bâtiment existera encore, ou celui d'à côté, puisque visiblement, demain, celui-là n'existera peut-être plus. Il y a aussi des... pas sur moi. Je l'ai sur une clé USB. Moi, je pense que j'en aurais besoin pour parler. Je pense que je préférerais. Mais si vous voulez faire une photocopie, peut-être. Non, je vais voir si je trouve un vidéo et un ordinateur. Bon, mais sinon, ça me fait comme vous voulez, sauf si ça vous gêne pour suivre. Ah non, non, c'est bon. Enfin, je peux. Sauf si j'avais. Donc, dans les certitudes subjectives, il y a donc des certitudes structurelles, et il y a aussi un autre type qu'on peut appeler des assurances contractuelles qui concernent les engagements qu'on peut prendre, les paroles données, etc. Mais quand on s'intéresse au futur à long terme, il y a des incertitudes qui interviennent et qu'il faut prendre en compte, des événements extérieurs qui ne sont pas forcément prévisibles et des décisions qui peuvent être prises par différentes personnes. Et donc là, on arrive à un point assez singulier pour l'étude du futur qui est en fait une notion qui a à la croisée de trois épistémologies. C'est-à-dire qu'on peut voir le futur, il y a une partie qui concerne le déterminisme, où on a des tendances lourdes. Une autre partie qui est plutôt liée au hasard, où là on a des aléas et on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Et enfin une troisième partie qui concerne plus la liberté, avec les projets de chacun, les choix qu'on veut faire, les différentes stratégies qu'on veut mettre en place. Et donc tout ça nous conduit à choisir différentes façons pour fonder une opinion sur l'avenir. Donc, à titre d'exemple, par exemple, on peut justifier une opinion sur l'avenir par ce que j'appelle de l'inertie, le principe étant, demain ce sera comme aujourd'hui, et puis l'ordre social fait que ça ne va pas trop bouger. Là, on peut, en termes de prospective, on peut répondre à ça, oui, mais est-ce que ce principe d'inertie marche quand on regarde le futur à long terme ? On peut aussi fonder une opinion sur l'avenir avec un principe de causalité, en disant que si la cause se poursuit, les effets vont se poursuivre. Mais là, pareil, quand on regarde le futur à long terme, on peut se demander si le système qu'on étudie ne va pas subir d'autres causes. Et un troisième exemple, ce serait l'analogie, en disant que l'histoire se répète. Mais là encore, est-ce qu'on est bien sûr que dans deux situations, entre maintenant et le futur, à long terme, est-ce que les deux systèmes sont vraiment analogiques? Voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu, enfin, je vais essayer de vous présenter ce que dit, comment les faits scientifiques essaient de, ce qu'on appelle une prévision scientifique, ou une prédiction scientifique, part du principe que, dans les sciences dures en tout cas, toute expérience est reproductible, et donc ça se base sur une analogie très exacte des situations, et donc on met en évidence des phénomènes assez déterministes. Par exemple, l'eau qui boue à 100 degrés, qu'on soit ici à Nanterre ou je ne sais pas, à Clermont-Ferrand, l'eau va toujours bouillir à 100 degrés. Mais donc ça suppose quand même un domaine de validité, et il existe également d'autres manières de fonder un discours scientifique. Donc par exemple des corrélations statistiques, par exemple également des accumulations de faisceaux de preuves, donc ça peut être le cas en archéologie. On n'est pas sûr de la façon précise dont vivaient les sociétés il y a 10 000 ans, mais par contre, en rassemblant tout un faisceau de preuves, on arrive à être à peu près sûr de la façon dont elles vivaient. Donc tout ça pour en venir à une attitude prospective. Donc là, je cite M. Berger, qui est un des fondateurs en France de la prospective. Pour lui, l'attitude prospective, c'est penser les changements possibles et la pluralité fondamentale des futurs. Donc il nous incite à redécouvrir la variabilité des systèmes et ne pas se contenter d'une prolongation des tendances. Il nous incite également à prendre en compte le fonctionnement global d'un système, à penser des trajectoires d'évolution, à discuter ces évolutions possibles. Et également, il insiste sur le fait qu'il faut assumer un certain lien entre l'étude du futur et l'action du présent. Donc, M. Berger, avec une vision de la perspective qui était de dire que réfléchir sur le futur, ça nous aide à agir dans le présent pour éventuellement atteindre un futur qu'on souhaite atteindre. Donc la prospective, c'est pour l'équipe RGTE, donc pour moi également dans l'approche que j'utilise dans ma thèse, c'est une approche générale des discours sur le futur, quelle que soit la teneur du discours, tout en précisant bien que quel que soit le discours, c'est forcément une conjecture, parce qu'on a de toute façon, à long terme, on a des incertitudes fondamentales sur lesquelles on ne peut pas décider. Alors, je fais un petit écart méthodologique qui me resservira après. Pour faire de la prospective, on peut utiliser différentes approches. Donc il y a parmi les plus connues la construction de scénarios, où le groupe d'acteurs qui décide de faire une prospective choisit de produire un ou des scénarios sur l'image du futur, sur l'image du système qu'il étudie. On peut utiliser des modèles numériques. On peut également faire appel à des experts et donc faire une consultation d'experts. Et on peut également mobiliser la participation du grand public. Et donc toute prospective est construite avec une combinaison de chacune de ces approches. Donc finalement, le cadre d'analyse d'un débat prospectif sur lequel je vais m'appuyer, il a deux composantes. La première, c'est les conjectures, donc quels sont ces travaux prospectifs qui sont produits. Et la deuxième, c'est quels sont les forums de discussion dans lesquels ces conjectures sont discutées. Donc les forums, il s'agit de regarder quelles sont les règles de discussion. Est-ce que pour discuter, il faut produire forcément des scénarios? Est-ce qu'il faut écrire des articles scientifiques? Donc les différentes règles. Quelles peuvent être les règles de participation? Est-ce que pour participer à un débat prospectif, il faut forcément être un scientifique reconnu? Est-ce qu'un profane peut venir? Est-ce que des associations peuvent participer, etc. Et le point important dans ce cadre, c'est que c'est l'articulation entre ces deux composantes qui fait avancer le débat et le rend dynamique. Donc par exemple, supposons qu'on a un débat. Quand il y a une nouvelle prospective qui est apportée, une nouvelle conjecture qui est faite, elle peut soit clôturer une controverse, soit ouvrir d'autres controverses, et dans ce cas-là, elle peut permettre à de nouveaux acteurs de venir dans la discussion et d'apporter leur éclairage sur ces nouvelles controverses qui sont ouvertes. Elle peut également mettre de côté certaines controverses, donc certaines controverses qui étaient ouvertes. Donc c'est bien l'articulation entre ces deux composantes, d'une part les conjectures et d'autre part les forums de discussion, qui va m'intéresser. Voilà, ça c'était le premier point sur le cadre d'analyse que je vais utiliser. Alors maintenant, je vais essayer de vous présenter... je vais prendre un exemple du débat international pour la lutte contre la faim dans le monde. Et je vais essayer de... Donc je vais m'appuyer pour ça sur une publication de M. Jean-Claude Flamand qui s'appelle « Un siècle de lutte contre la faim dans le monde, alerte, révolte, désillusion et doute ». Et dans cette publication, M. Flamand découpe, enfin périodise le débat sur la lutte contre la faim dans le monde, et je vais essayer de vous montrer comment cette approche, comment l'approche que M. Flamand utilise me paraît tout à fait intéressante pour mes recherches. Alors, un petit mot de présentation d'abord sur M. Flamand. Il est actuellement, donc c'est un agronome, il est actuellement président de la mission d'animation des agrobiosciences. Donc, c'est une structure qui est financée à la fois par le ministère de l'Agriculture et par la région Midi-Pyrénées, qui a pour but essentiellement de sensibiliser la population aux différents problèmes et aux avancées scientifiques sur la recherche en agronomie dans son ensemble. Et c'est notamment cette mission qui organise depuis 15 ans les universités de Marciac, les universités d'été de Marciac, pardon. Et donc c'est à l'occasion de l'université de l'année dernière que M. Flamand s'est proposé de faire une relecture des principaux ouvrages qui ont traité de cette question de la lutte contre la faim et de présenter une histoire de ce débat de la lutte contre la faim. Alors, je suis tout à fait conscient que M. Flamand, lui non plus, n'est pas sociologue. Mais son approche est quand même intéressante. Bon, je vais d'abord vous expliquer comment il découpe ce débat, puis après je reviendrai sur ce qui m'intéresse dans sa présentation. Alors, il distingue quatre grandes parties dans le débat. Une première partie qui va du début du siècle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc il commence en 1905 avec la création de l'Institut international d'agriculture qui avait pour but de collecter des statistiques agronomiques dans différents pays. Donc c'est cet institut qui deviendra plus tard la FAO. Et il note une date importante en 1937, un rapport de la Société des Nations qui s'intitule « L'alimentation dans ses rapports avec l'hygiène, l'agriculture et la politique économique ». Où les deux points principaux de ce rapport sont tout d'abord que les populations des pays industrialisés souffrent de malnutrition et que pour lutter contre ça, il faut une intervention des États sur le marché agricole mondial. Donc dans cette première période, le Flamand nous dit que le débat porte principalement sur l'hygiène de l'alimentation des populations dans les pays industrialisés. Vient ensuite une deuxième étape, donc qui va de la fin de la guerre à peu près jusqu'à 1955, avec en 1945 la création de la FAO à Québec, et jusqu'en 1955 ou 1954 avec la première conférence mondiale, avec une conférence mondiale sur la population. Et là, on a deux nouveaux débats qui interviennent dans cette période. Un premier débat sur les missions de la FAO nouvellement créée. Donc, les gens sont. On est plutôt d'accord pour dire que la FAO doit reprendre les anciennes missions de l'Institut international de l'agriculture, donc à savoir faire des statistiques sur les agricultures dans les différents pays. La FAO prend aussi pour mission une expertise internationale. Et il y a un troisième débat pour savoir si cette nouvelle institution doit être porteuse d'une intervention sur les marchés agricoles. Finalement, la question est tranchée par les gouvernements qui ne souhaitent pas cette option et parce qu'ils sont plutôt en faveur, donc ce que nous dit Flamand, c'est qu'ils sont plutôt en faveur de l'intervention de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement qui deviendra plus tard la Banque mondiale. Donc ça, c'était le premier débat sur les missions de la FAO. Il y a ensuite un deuxième débat qui concerne le défi de la démographie, où dans cette période, on a une montée des approches néo-malthusiennes, où le discours est de dire que, vu la croissance de la population et vu la croissance des productions agricoles, on n'arrivera pas à nourrir tout le monde. Et en parallèle, une autre thèse qui est défendue par d'autres personnes qui, eux, font plus confiance à la science et au progrès en disant si la recherche agronomique va avancer et on va y arriver. Donc, il y a ensuite une troisième étape qui va de 55 jusqu'à 74 où a lieu la première conférence mondiale sur l'alimentation que Flamand qualifie des années révoltes. Et donc pour ça, il prend appui sur les thèses de M. Dumont et les thèses de Mme Georges, où M. Dumont insiste sur le fait qu'il est important de donner l'accès aux terres pour les agriculteurs des pays en voie de développement. Il insiste sur le fait que les famines des années 70 vont se propager et vont continuer. Donc M. Dumont a un positionnement clairement néo-malthusianiste, mais qu'il l'assume. Et il mentionne également une meilleure gestion des ressources naturelles. Il insiste sur la nécessité d'une meilleure gestion des ressources naturelles. Une autre personne qui sonne un petit peu la révolte, que M. Flamand cite, c'est Mme Georges, qui, elle, rejette en bloc toutes les solutions techniques des instances internationales, qu'elle considère inadaptées, qui sont pour elle profitables principalement aux pays industrialisés, et qui sont socialement très destructrices dans les pays en voie de développement. Elle critique également la dépendance des systèmes agricoles créés par toutes les aides internationales, et elle appelle à des politiques internationales qui visent à satisfaire les besoins alimentaires localement. Vient une quatrième phase de 75 à 2000-2005, où il y a la première conférence mondiale de l'alimentation, donc où est ratifiée la déclaration universelle pour l'élimination définitive de la faim de la malnutrition. 20 ans plus tard, ce sera le sommet mondial de l'alimentation de 96, où cette fois l'objectif fixé c'est de réduire en 2015 la moitié du nombre de personnes souffrant de la faim. Donc l'objectif était de passer de 800 millions à 400 millions. Quand on sait qu'aujourd'hui on a 1 milliard, on peut se dire qu'on est plutôt dans une phase de désillusion. Monsieur Flamand insiste quand même sur le fait qu'il y a certains progrès qui ont été faits, notamment en termes de baisse des famines. Et là, le débat porte Monsieur Flamand, dans cette période-là, porte plus sur la répartition des productions agricoles, où il nous dit qu'il y a deux courants. Un courant de pensée qui préconise d'intervenir plus à l'échelle régionale et donc de concentrer ses efforts sur le stockage, sur le transport et sur les rapports sociaux donc liés à la production agricole. Et en opposition à ça, il y a une autre thèse qui est défendue qui préconise de penser l'agriculture mondiale à l'échelle justement internationale, en favorisant la circulation des biens et la libération des marchés. Et finalement, M. Flamand nous dit qu'on est arrivé dans une période de doute, avec donc les révoltes ou les émeutes de la faim qui ont eu lieu au printemps 2008, le fait qu'on est actuellement, qu'on a dépassé le seuil symbolique des 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim. On peut ajouter à ça le sommet mondial de l'alimentation qui s'est tenu il y a quelques semaines. On ne peut pas dire que ça a été une grande réussite. Un exemple, par exemple, le fait qu'aucun président des pays du G8 n'ait voulu participer à ce sommet mondial. Le fait qu'au sein même de la FAO, il y a peu de gens qui étaient pour que ce sommet se tienne parce qu'il n'y avait pas de nouveautés particulières à apporter, parce que c'est un événement lourd à organiser. Bon, et le fait que, en fait, la seule personne qui était vraiment décidée à mettre en place ce sommet, c'était M. Diouf, donc le directeur de la FAO, dont le mandat arrive à sa fin bientôt et qui voulait organiser une dernière, finir entre guillemets sur une bonne note. Et donc là, les débats actuellement, c'est Il y a un débat qui porte sur les raisons de la crise actuelle, où il y a encore deux thèses qui s'affrontent. Certaines personnes pensent que c'est une crise conjoncturelle, liée à un ensemble de facteurs pas tout à fait favorables, à savoir des conditions climatiques, la production de biocarburants, la spéculation, le fait que les stocks mondiaux diminuent. En face de quoi, il y a d'autres personnes qui disent que non, là, cette crise est vraiment structurelle, principalement parce qu'il y a concurrence déloyale entre, schématiquement, deux gros types, deux grands types d'agriculture. Et il y a également un nouveau débat qui s'installe sur la durabilité du modèle engrais, pesticides, motorisation. Donc ça, c'est M. Flamand qui l'appelle comme ça. Avec une nouvelle fois une vision néo-malthusienne qui vient de plus en plus, qui insiste sur le fait qu'on a des ressources naturelles épuisables. Et quand on ajoute à ça le changement des régimes alimentaires dans les différents pays, notamment en Chine et au Brésil, on n'arrivera pas à produire suffisamment pour nourrir tout le monde. Et il y a d'un autre côté une vision plutôt progressiste qui dit si c'est possible, il y a encore des potentialités productives, on peut encore améliorer les rendements, et les biotechnologies vont pouvoir nous aider à franchir ce palier. Donc voilà la présentation un petit peu de ce débat de la lutte contre la faim, qui me semble intéressante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Flamand nous montre bien comment les différents points de vue et les différentes questions qui portent les différentes questions qui sont portées dans ce débat ont évolué au cours du temps. Donc on est passé d'un débat sur comment faire pour rendre l'alimentation dans les pays industrialisés plus hygiénique à finalement un débat: est-ce que le modèle agricole engrais, pesticides, motorisation est soutenable et est-ce qu'on peut continuer dans cette voie-là? Et donc, cette vision que propose Flamand m'incite effectivement à dire que oui, il faut regarder la conjecture, les différentes conjectures et les différents points qui font débat. Et oui, ça peut être intéressant de regarder dans quel forum ces différentes controverses ont lieu et quelles sont les évolutions dans ces forums. Ça m'incite également à réfléchir sur le fait que ce débat de la lutte contre la faim, donc que Flamand déroule une sorte de fil dont le thème principal c'est la lutte contre la faim dans le monde, ça me semble important maintenant d'essayer de dérouler un autre fil, d'autres fils ou avec des débats qui portent sur d'autres thèmes, par exemple le changement climatique, où on sent que la question de l'avenir de l'agriculture joue un rôle de plus en plus important, sur le problème du rejet du méthane par exemple, sur les problèmes de l'utilisation des sols. Donc dans ce débat, dans ce fil portant sur le changement climatique, il y a aussi des questions sur l'avenir de l'agriculture qui viennent jouer. Un autre débat qui pourrait être intéressant de regarder également, c'est le débat sur la biodiversité, où les questions de l'avenir de l'agriculture vont également jouer. Peuvent également intervenir. Donc au final, les proches développées par Flamand m'incitent à dire qu'il y a plusieurs débats dont le thème principal n'est pas l'avenir de l'agriculture, mais dans lequel des prospectives sur l'avenir de l'agriculture interviennent et viennent faire évoluer ces débats. Par contre, ça ne m'empêchera pas de regarder non plus. Donc en regardant ça, je vais pointer des prospectives qui viennent intervenir à différentes échelles, mais il va falloir que je regarde aussi si ces différentes prospectives ne se structurent pas, elles également, le long d'un débat où le fil conducteur serait l'avenir de l'agriculture. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu, donc là je suis au début de mes recherches, je ne suis pas convaincu que ce débat avec ce fil qui serait l'avenir de l'agriculture, ce soit le fil conducteur. Je ne suis pas convaincu que ce débat existe, mais ça va être une de mes pistes de recherche. Donc je vais maintenant vous présenter trois exercices prospectifs sur l'avenir de l'agriculture mondiale en vous montrant comment effectivement ces scénarios interviennent dans des débats dont l'objet précis n'est pas l'avenir de l'agriculture, Donc il m'inciterait plus à dire qu'effectivement, les prospectives agricoles mondiales interviennent dans des débats autres que ceux sur celui sur l'avenir de l'agriculture. Mais on verra à la fin que peut-être que ce débat est en train de se structurer également. Alors, le premier exercice s'appelle le Global Food Projections to 2020. Excusez mon accent. Donc, c'est un exercice qui a été réalisé par l'IFPRI, qui est l'Institut de recherche internationale sur les politiques alimentaires. Alors, c'est un laboratoire qui se situe aux États-Unis, qui est un des centres du CGIAR, donc qui est le groupe consultatif pour la recherche agronomique internationale, qui est en fait une structure qui a été créée dans les années 70 par la Banque mondiale, où le but de cette structure était de développer des centres de recherche dans les pays en développement pour aider à l'amélioration des productions agricoles. Donc l'IFPRI est un centre emblématique de ce CGIAR et c'est lui qui est chargé notamment de réaliser toutes les prospectives internationales. Donc dans cet exercice du Global Food Projections, les chercheurs de l'IFPRI utilisent un modèle d'équilibre général donc qui fonctionne de la façon suivante. Donc il y a une année de référence, donc dans ce cas-là c'était l'année 1997, et en fait les prix, le modèle calcule des prix mondiaux pour différentes denrées alimentaires. Le monde est divisé en 16 régions, et chaque année les prix sont recalculés, et en fonction de ces prix le modèle donne les surfaces et les rendements qui sont mis en place par les différents pays. Donc c'est un modèle qui fonctionne et dont le point central, c'est le calcul du prix mondial pour les denrées alimentaires. Donc dans cet exercice, il y a un scénario tendanciel qui est tracé jusqu'en 2020. Et il y a également trois scénarios alternatifs où les chercheurs font varier successivement trois facteurs. D'une part, la croissance démographique. Donc ils regardent ce qui se passe en termes de production et de consommation des denrées si on a une moindre population. Un deuxième facteur, c'est l'amélioration des rendements. Et un troisième facteur, c'est une meilleure productivité du bétail. Alors, cet exercice tente de répondre à la question est-ce que la production agricole mondiale sera suffisante pour nourrir la planète en 2020 ? Donc là, c'est vraiment porté sur les productions agricoles. Et la réponse donnée par les chercheurs de l'IFPRI, c'est oui, mais ce sera encore mieux si on a une moindre population et si on a un fort investissement dans la recherche agronomique. Donc ça, c'est le premier exercice. Il faut savoir que... Est-ce que c'est un modèle alimentaire égal et si oui, sur la base de quel modèle alimentaire Alors, voilà, une des grosses critiques qui est faite à ce modèle, c'est que les régimes alimentaires ne sont pas réellement pris en compte. Et c'est un modèle qui est... C'est très difficile d'aller voir effectivement ce que le modèle prend en compte ou pas en termes de régime alimentaire. Oui, en fait, alors il découpe le monde par région et il garde. Alors, j'aurais tendance à dire que il considère les régimes alimentaires comme étant constants, donc il doit faire une moyenne sur les 5 ou 10 dernières années. Ce sera vérifié, c'est un modèle qui est assez obscur, qui n'est pas public, mais il ne mentionne jamais en tout cas qu'il joue sur cette variable du changement de régime alimentaire. Donc c'est un modèle qui fait référence actuellement pour les prospectives agricoles. Et donc une Donc le deuxième exercice que je voulais vous présenter, c'est un exercice qui s'appelle AgriMonde, qui a été lancé en 2006 par l'INRA et le CIRAD, qui avait trois objectifs. Le premier, c'était d'éclairer les orientations de la recherche en matière d'agronomie et d'alimentation, d'initier des débats à l'échelle nationale, mais également d'apporter la voix française pour le débat international. Donc, l'objectif est de cet exercice, un des objectifs, c'est principalement de répondre à ce modèle IFPRI qui est critiquable sur certains aspects, et donc ils ont choisi pour ça une méthode tout à fait différente. L'exercice AgriMonde donc, s'appuie, lui, sur un modèle qui cherche à équilibrer les ressources et les besoins de biomasse. Et donc en fait, tout est converti en kilocalories. Il y a des hypothèses qui sont faites sur les régimes alimentaires. Et l'objectif... Donc là, il n'y a aucune intervention de prix ou de considération de prix de l'énergie, par exemple, ou du prix des denrées alimentaires. Il y a simplement... des scénarios qui sont faits sur en faisant jouer quatre variables, la population, et avec les régimes alimentaires qui vont avec, donc la consommation, les surfaces agricoles et les rendements. Et donc dans cet exercice, il y a deux scénarios qui ont été créés. Le premier, qui est un scénario qu'on peut qualifier d'agriculture durable, et un second qui s'appelle AgriMonde Global Orchestration, qui répond en fait au scénario du Millennium Ecosystem Assessment, qui est en fait plutôt un scénario de tendance. Donc dans ce scénario de tendance, il y a une certaine augmentation des surfaces, des rendements qui sont considérés comme des augmentations de rendement partout dans le monde, excepté en Afrique subsaharienne, et des disponibilités en kilocalories qui sont plus importantes par jour et par personne. Donc ce que nous dit l'exercice AgriMonde, donc il se fixe ça comme hypothèse, et après il regarde quelle va être la production en kilocalories dans 5 grandes régions du monde, quelles vont être les consommations dans ces 5 mêmes régions, et après, l'idée c'est de regarder si on arrive à un équilibre. Donc on ne regarde pas du tout comment après atteindre cet équilibre en faisant des échanges, mais l'idée c'est juste de voir nos principes au niveau énergétique, au niveau de consommation, est-ce qu'on peut y arriver. Donc la première conclusion sur ce scénario, c'est que l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Asie vont être déficitaires en calories végétales. Mais par contre, les autres régions, donc qui sont les pays de l'OCDE, l'Amérique latine et l'ex-URSS, comme eux vont être en surproduction végétale, il peut y avoir un équilibre mondial qui se fait. Donc il y a 3 régions déficitaires, mais 3 régions qui sont excédentaires, donc du coup l'équilibre pourrait se faire. Ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, là, les chercheurs se sont fixés d'avoir une disponibilité par jour et par personne de 3000 kilocalories partout dans le monde. Donc ça, c'est la limite qui se fixe. Et donc ils font des hypothèses moindres sur les rendements, sur les surfaces également, et ils arrivent à la même conclusion, qui est de dire que l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Asie vont avoir un déficit en calories végétales. Mais par contre que l'OCDE, la zone de l'ancienne URSS et l'Amérique latine seront en excédent et que du coup, au niveau mondial, on peut atteindre un équilibre. C'est la même conclusion, sauf que c'est pas les mêmes paramètres. Il y a une disponibilité dans le scénario agriculture durable, une disponibilité par personne qui est moindre, qui est de 3000 kilocalories pour tout le monde, et des rendements qui sont moindres, et une augmentation des surfaces agricoles qui est moindre également. Donc, cet exercice ne répond pas tout à fait à la même question que l'exercice qui a été mené par l'IFPRI, que je vous ai présenté tout à l'heure. Là, l'objectif était de dire, est-ce qu'en ordre de grandeur, la disponibilité alimentaire est suffisante et à quelles conditions sur les régimes alimentaires. Et donc cet exercice montre que, avec les deux visions de l'agriculture mondiale qui sont assez contrastées, on peut répondre oui à la question qu'en ordre de grandeur, il y aura la disponibilité alimentaire est suffisante. Par contre, l'exercice ne nous apprend rien sur quels échanges il faudrait mettre en place et à quelles conditions sur les prix des denrées. Donc ça, c'était le deuxième exercice. Le troisième exercice est un exercice qui s'appelle IASTD. Alors, ça veut dire l'évaluation internationale sur les sciences, les technologies et les connaissances agricoles pour le développement. C'est un exercice qui a été lancé en 2002 par la Banque mondiale et la FAO au Sommet mondial du développement durable qui avait lieu à Johannesburg. L'objectif de l'exercice était de faire une évaluation collective des apports de la recherche agronomique pour le développement. Donc c'est une approche qui est à la fois induite par le GIEC, c'est-à-dire que les scientifiques, enfin les différentes parties prenantes de l'agriculture ont travaillé pour produire cette évaluation collective et qui a été ensuite ratifiée par l'ensemble, par une conférence intergouvernementale qui s'est tenue en 2008. Donc cette évaluation a donné lieu à 7 rapports, un rapport global, 5 rapports régionaux. Donc les régions, c'était l'OCDE, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne. Et donc chacun de ces rapports contient une évaluation des connaissances, des sciences et des technologies. Pourquoi je vous parle de cet exercice? Parce que l'objectif était que dans chacun de ces rapports, les personnes qui étaient impliquées dans la rédaction de ces rapports produisent des scénarios et des prospectives pour l'agriculture de la région à laquelle ils étaient rattachés. Au final, ça ne s'est pas fait. D'une part parce que beaucoup de gens n'étaient pas favorables à cette approche, parce qu'il y avait aussi un chapitre qui s'intéressait aux stratégies de développement pour la recherche agronomique et les membres du bureau pensaient que c'était plus important de développer ce qui était dans ce chapitre stratégie que dans le chapitre scénario, et également parce que ouais, donc voilà. Donc il y a eu tout un tas de facteurs qui ont fait que finalement ces scénarios n'ont pas vraiment abouti. Par contre, ce qui a abouti dans cet exercice, c'est que ce qui est intéressant dans cet exercice, donc qui rassemblait toutes les parties prenantes, donc il y avait des chercheurs, les décideurs publics, des associations de producteurs, des associations des industries agroalimentaires. Et on s'est aperçu que quand il y a eu des débats sur l'utilisation des OGM, notamment, et sur quand il a fallu aborder la question de la libéralisation des échanges, il y a eu des discussions assez vives qui ont conduit, d'une part, les États-Unis, l'Australie et le Canada, au final, à ne pas ratifier le rapport final qui a été conclu à Johannesburg, parce que les termes qui étaient employés n'étaient pas à leur convenance. Et d'autre part, ça a conduit aussi les représentants de tous les groupes, des groupes des semenciers, à quitter complètement l'exercice, parce que le rapport stipulait que l'utilisation des OGM n'était pas forcément la bonne solution. Et donc du coup, pour eux, ça n'allait pas, et du coup, ils sont partis. Donc on voit bien que dans cet exercice, l'avenir de l'agriculture est porteuse de débats et que c'est très présent. Alors cet exercice a eu un rayonnement assez contrasté. Donc j'ai rencontré différentes personnes au cours de mon stage de fin d'études. Donc Pour l'IFPRI, ce rapport dit que le rapport de l'ISTD dit que il faut augmenter la libéralisation des échanges pour améliorer la production agricole mondiale. Pour M. Daudet, qui travaille au ministère de l'Agriculture et qui était un des représentants français qui était impliqué dans l'exercice, le message clé de cet exercice, c'est que la technologie n'est pas la solution et qu'il faut adopter une approche plus systémique et plus complexe de l'agriculture. Enfin, pour une troisième personne qui a participé à cet exercice, le message clé, c'est que la poursuite des tendances pour le développement de l'agriculture mondiale n'est pas efficace, n'est pas adaptée, et si on continue comme ça, on risque d'aller dans le mur. Donc cet exercice reste assez flou. Il y avait une volonté de faire consensus pour que l'ensemble des pays ratifient la déclaration finale, et au final, on se rend compte qu'on arrive avec un texte où chacun peut faire dire à cet exercice ce qu'il souhaite. Donc finalement, en comparant un petit peu ces trois exercices, on voit bien que c'est des prospectives agricoles qui ne s'inscrivent pas vraiment dans des débats ou le long de fil dont je vous parlais tout à l'heure qui sont précisément les mêmes. Dans le premier cas, on s'intéresse plus à la production agricole en tant que telle. Dans un deuxième cas, on s'intéresse plus à l'alimentation et aux besoins alimentaires. Et pour le cas de l'ISTD, on s'intéresse plus sur le rôle des sciences et de la recherche agronomique. Donc on est bien sur trois échelles différentes. Par contre, et donc c'est là peut-être que je peux répondre aux questions que Michel m'a posées au début de mon intervention, les nouvelles questions de recherche à développer, pour moi, c'est de regarder, est-ce que, et c'est ce qu'a tenté de faire un petit peu l'exercice Agrimonde, c'est de dire, oui, les prospectives agricoles sont utiles pour répondre, pour intervenir dans des débats qui ne portent pas particulièrement sur l'avenir de l'agriculture, mais est-ce que il n'y a pas une structuration du débat sur l'avenir de l'agriculture? Et donc, ça va être une de mes questions de recherche, c'est oui, je suis bien conscient que les prospectives agricoles ne servent pas que à répondre aux problèmes de l'avenir de l'agriculture, mais est-ce que on n'est pas en train d'avoir une structuration et une articulation? L'exercice Agrimonde qui est fait pour répondre à l'utilisation du modèle IFPRI, on a bien là une structuration qui est de dire sur l'avenir de l'agriculture, jusqu'à présent, on n'entendait que la voix de l'IFPRI et de son modèle d'équilibre général. Est-ce qu'on ne peut pas faire entendre d'autres voix également et faire en sorte que d'autres acteurs participent, mettent sur la table d'autres conjectures, d'autres scénarios et d'autres modes de discussion? Donc ça, c'est ça va être ma question de recherche. Alors les terrains que je vais utiliser et sur lesquels je souhaite me rendre, alors il va y avoir deux types. D'une part, j'aimerais bien moi aller à l'IFPRI donc pour voir d'une façon un peu plus précise comment fonctionne ce modèle, comment il est construit et sur quelles hypothèses il se fonde. Il me semble également intéressant de me rendre dans des enceintes de discussion où on parle de l'avenir de l'agriculture, donc ça peut être à la FAO et éventuellement à l'OMC, peut-être que à la Commission européenne il y a des débats sur l'avenir de l'agriculture. Je ne sais pas encore précisément, j'ai pas encore de pistes très précises sur ces terrains, mais c'est ce genre de terrain que je souhaite, sur lesquels je souhaite me rendre. Voilà, plutôt des institutions et des laboratoires de recherche. Et écoutez, je pense que j'ai fini ma présentation.